rafra, il veut du sang frais. Dans la vie, erre avec ses frères, c'est l'heure de son repas et sort de son repère. Si tu veux faire les frais, et que c'est sûrement pas lui qui t'effraie, tu peux servir d'entrée et recevoir ses frais. Ce soir, la lune est pleine, et tes clés lumières s'éteignent. Les humains font saliver juste à l'idée qu'ils saignent, juste à la pensée de ce fluide. C'est les fesses qui un sourire malsain et ses yeux vides deviennent avides. C'est vital, il lui faut ce liquide, en manque d'hémoglobine. Le même rituel chaque soir, faut qu'il dîne. Sorti des entrailles de la terre, sa tanière avec sa troupe et les nouveaux arrivants de la semaine dernière. Il traque, avance avec tact et efficacité, prêt à foncer sur une proie avec vivacité. Dans une ruelle sombre, il guette, soudain des fois se font entendre. Il s'imagine déjà croqué dans une chair tendre. Vampire, mords-moi mon état empire. Mort, j'irai en enfer et je préfère être un soldat de ton empire. Vampire, mords-moi mon état empire. Mort, j'irai en enfer et je préfère être un soldat de ton empire. Vampire, mords-moi mon état empire. Mort, j'irai en enfer et je préfère être un soldat de ton empire. Vampire, mords-moi mon état empire. Mort, j'irai en enfer et je préfère être un soldat de ton empire. Vampire s'approche tel un félin, son croix ferré le bon filon. Il était temps car l'attente se fit longue. Il suit cette femme pour lui voler son âme. Ouvre sa gueule et sort ses croix serrées et son âme. La coup violence écrit pas son cou, aspire le sang de sa proie. Prise par surprise et en plein effroi, ce soir estique il ne la figurait pas. La fille de la part lui servirait d'esclave qui emboîterait son pas. Alors il pose le corps de sa victime à terre, entame le processus de vampirisation qu'elle reproduirait à terme. Vampire sort une lame aiguisée, se tranche légèrement le poignet, verse le sang noir sur les lèvres damnées. Condamné à l'éternité dans l'ombre, un deuxième vampire est né de l'absurdité de ce monde. Offrez vos âmes, évitez l'enfer, c'est ce qu'ils vous diront. Ce soir la lune est pleine, donc faites attention. Vampire, mords-moi mon état empire. Mort, j'irai en enfer et je préfère être un soldat de ton empire. Vampire, mords-moi mon état empire. Mort, j'irai en enfer et je préfère être un soldat de ton empire. Vampire, mords-moi mon état empire. Mort, j'irai en enfer et je préfère être un soldat de ton empire. Vampire, mords-moi mon état empire. Mort, j'irai en enfer et je préfère être un soldat de ton empire. Mon état empire, mort j'irai en enfer et je préfère être un soldat de ton empire. Vampire, mort moi mon état empire, mort j'irai en enfer et je préfère.